passent les heures, plus ma vie se fait rare. Lassé d'un avenir passé, j'ai déjà pu partir et ne plus jamais revenir. J'ai voulu mourir, ne plus jamais souffrir, oh, abandonner. Lassé d'un avenir passé, j'ai déjà pu partir et ne plus jamais revenir. Se délaisser, laisser, un adieu rêvé. J'ai parfois voulu mourir. Partir et ne plus jamais revenir, se délaisser, délaisser, d'un avis rêvé, j'ai parfois voulu.